Colette. Beaucoup de douceur pour commencer l'émission de ce jour et tout de suite la formation Coriandre, extrait de leur dernier album Camine des Stellas, un chemin d'étoiles. Voici le titre Mazurkaline. D'été, quand ta peau se dessine sous mes doigts étonnés, tu fais ma mine mazurkaline, tes griffes sur mon oreiller. Sa bête mamina, mazurkaline, pas tout ce qu'elle imagina. Mas quand l'oulune anima, l'oulnette au même taïma, dans sa mamina, mazurkaline, la matinada a commencé. Petit tour en pays occitan avec cette formation Coriandre. Un petit tour en pays breton, un grand tour même parce que le morceau est assez long, avec la formation Fleuve. C'est vraiment un des groupes à avoir bien percé au cours des dernières années, et principalement avec leur premier album et le côté un petit peu trance des différents morceaux. Voici la formation Fleuve avec une danse pline. Voilà un titre assez hypnotique proposé par la formation Fleuve, qui tourne actuellement pas mal, principalement du côté de la Bretagne, bien entendu. Mais j'espère qu'on aura un jour l'occasion de les voir par chez nous. On poursuit avec quelque chose de peut-être un petit peu plus calme. Pour chanter et pour danser, voici Evelyne Girardon qui nous chante « Le bel après-midi ». L'automne dernier a été bien long, l'hiver aussi, et je suis toujours dans l'année qui passe. Il paraît que le printemps sera beau, qu'il n'oublie pas notre ciel, ça il ne sera pas de trop. Qu'en penses-tu, toi qui nous rassemble, qu'en penses-tu, toi qui t'es perdu, nous reconnaîtras-tu si jamais le hasard nous rassemble, le jour de la nuit où nous n'avons pas dormi du tout, je me suis traîné comme une vieille godasse. J'y repense, s'installe le regret, la nostalgie d'une humeur qui tout doucement s'efface. Qu'en penses-tu, toi qui t'es perdu, nous reconnaîtras-tu si jamais le hasard nous rassemble? J'ai comme l'impression qu'il manque quelqu'un ou quelque chose de sucré qui nous rendrait tous plus légers. Autour de la table, j'ai compté, j'ai rangé les soirées à ressasser, à se tromper de lune. Qu'en penses-tu, toi qui t'es perdu, nous reconnaîtras-tu si jamais le hasard nous rassemble? Qu'en penses-tu, toi qui t'es perdu, nous reconnaîtras-tu si jamais le hasard nous rassemble? L'automne dernier a été bien long, l'hiver aussi, et je suis toujours dans l'année qui passe. Il paraît que le printemps sera beau, qu'il n'oublie pas notre ciel, ça il ne sera pas de trop. Qu'en penses-tu, toi qui le hasard nous rassemble? Qu'en penses-tu, toi qui t'es perdu, nous reconnaîtras-tu si jamais le hasard nous rassemble? Alors j'espère que vous passez une belle fin d'après-midi. Et qu'avec ces musiques traditionnelles, pas toujours si traditionnelles d'ailleurs, eh bien, vous pouvez vaquer à vos occupations tout en douceur ou tout en rythme suivant les morceaux. Il n'y a pas longtemps, on a pu revoir sur la région orléanaise la formation Balogadjo, c'était du côté du Festival de Travers, et ça m'a donné envie de les réécouter, bien entendu. Voici Balogadjo avec un extrait d'un album déjà un petit peu ancien, Vent d'Ouest, Vent d'Est, et le titre Roumela. Thank you. Avec ce morceau, la formation Ballo Gaggio nous a emmené du côté de la Macédoine. Et pour danser, bien peut-être une scottish, voilà, pour danser ce morceau avec deux allures différentes dans le morceau. Je vous propose de poursuivre avec à nouveau un petit tour par la Bretagne. En compagnie de Beat Boîte Trio, voici le titre Le Mercelot. Sorti de prison, ouais, bah mon flop, le replow. Bayagu et ton micro, yeah. Beat Boîte Trio, c'était un petit mercelot passant la Normandie, passant la Normandie. C'était un petit mercelot. Un mercelot. Oh, mais les dessins du coucheux de Yann Stalerie. Sommes-nous dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous bas dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous dans la rive de bois, du bois dans la rive. La fillette qui est là, cette la plus jolie. Cette la plus jolie. Lire. La fille qui est là, c'est te la plus jolie, c'est te la plus jolie. Yeah. Oui, la plaise, il l'a ployé, l'a mis dans sa valise. Sommes-nous dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous ben dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous dans la rive de bois, bois. Oui, la plaise, il l'a ployé, l'a mis dans sa valise. L'a mis dans sa valise, lise. La prise, il l'a ployé, l'a mis dans sa valise. L'a mis dans sa valise. Mais il l'a ployé, trop long payé sa robe grise. Sommes-nous dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous bas dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous bas dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous bas dans la rive de bois. C'est un chemin, c'est l'amant de la fille. C'est l'amant de la fille. Fille. Ah, il a croisé un chemin, c'est l'amant de la fille. De la fille. Ah, dis-moi donc, tu mercelot, ouvre dans ta valise. Sommes-nous bas dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous bas dans la rive de bois, du bois dans la rive. Sommes-nous bas dans la rive de bois, du bois. Ma valise ne s'ouvre que dans les grandes villes, que dans les grandes villes, villes. Ma valise ne s'ouvre que dans les grandes villes, que dans les grandes villes, villes. C'était un petit mercelot passant la Normandie. Sommes-nous dans la rive de bois, bois. Sommes-nous dans la rive de bois, rive bois. Sommes-nous dans la rive de bois, de bois dans la rive, rive, de bois dans la rive. La formation Beat Boîte Trio et la voix si particulière de Fayagur qu'on retrouve actuellement dans une autre formation simplement en duo, une formation qui s'appelle La Sauterelle et qui, pour faire connaître ses morceaux, produit des vidéos et actuellement ils en sont à quatre vidéos, je crois déjà, qui permettent de découvrir leurs morceaux. On poursuit avec une autre danse qui nous vient de Bretagne, c'est la gavotte. Et du côté de la Bretagne, les danses se dansent en plusieurs parties. Et donc on a ici le ton double, la deuxième partie de la gavotte, une fois qu'on a fait la petite phase de repos, le petit bal de repos qui est au milieu. Voici le duo Hamon-Martin et un ton double gavotte. Traditionnel sur le 96.2 pour vous faire chanter, danser, voyager. Eh bien, pour cette première heure, on danse principalement, quelquefois en chantant, mais pas toujours. Et si c'est en breton, eh bien, c'est toujours un petit peu plus compliqué de reprendre la chanson. Aux alentours de 19h, on retrouvera quelques idées de sortie, les prochains grands bals à venir. Il y en a un, c'est ce samedi qui arrive. Et puis, on retrouvera en deuxième partie d'émission un petit voyage du côté de l'Amérique latine. Tout de suite, la formation Warsaw et le titre Arvuez, la vie. vaouas roi di en le garanti l'ardi connons et pour que vaouas roi di vous le mesqui de jonchqué. une très jolie mazurka proposée par la formation Warsaw. On poursuit avec Deci de Loin. Alors, moi, je les ai connus en duo. Apparemment, ils sont en trio maintenant. Voici Deci de Loin et le titre « Un jour m'y prend l'envie ». Et il arrive... un jour m'y prend l'envie de ma maîtresse, la faire mourir de si de loin que ses parents n'en saurions point, la faire mourir de si de loin que ses parents n'en saurions point. J'ai pris le cheval de mon père, son pistolet, ses fourmillements. Alors tout droit m'en suis allé jusqu'à la porte à mon aimé. Alors tout droit m'en suis allé jusqu'à la porte à mon aimé. Si vous dormez, belle endormie, belle endormie, si vous dormez, si vous dormez, réveillez-vous, c'est votre amant qui parle à vous. Si vous dormez, réveillez-vous, c'est votre amant. Je l'ai monté. Tenez-vous bien, belle Louison, je m'en vais piquer de l'éperon. Tenez-vous bien, belle Louison, je m'en vais piquer de l'éperon. Le beau cheval noir comme un aigle et comme un lion désenchaîné, il s'élança. Des paroles tragiques, mais une très très belle chanson, une des multiples versions de ce titre proposé ici par Deci de Loin. Je vous propose d'avoir peut-être quelque chose de plus poétique avec du chardron et du jasmin. Je n'ai pas la prononciation adéquate pour partir du côté de la Bretagne. C'est un extrait du dernier album de la formation Forge, musique de Haute-Bretagne. Je vous avais dit tout à l'heure que les danses bretonnes étaient en différentes parties. Et pour la suite, l'Oudéac, eh bien, les musiciens, s'ils ont trouvé que les danseurs étaient de bons danseurs, offrent une quatrième partie qui s'appelle la Réquenier. Voici donc la formation Forge et une Réquenier. Ouvrez donc ben les creusets, le soulard y a matin, le soulard y a matin. Lueur, je me n'allie par les venelles, par les rondes, par les chemins. Quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da. Lueur, je me n'allie par les venelles, par les rondes, par les chemins. Par les rondes, par les chemins. En bas, selon la prairie, je m'en fus coupe du plantain. Quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da, quand ma. Je m'en passe en long la prairie, je m'en fus coupe du plantain, je m'en fus coupe du plantain. Ça te choquait, j'aime de le bas. Quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da. Quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da. Rencontre ça te choquane, j'aime le bain, ça te choquane, j'aime le bain. Fourre-tu être la personne, j'y voure ma forme, ma main. Quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da. Fourre-tu être la personne, j'y voure ma forme, ma main. J'y voure ma forme, ma main. C'est à la personne que je me reviens quand ma dans le chagrin, quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da. C'est à la personne que je me viens quand ma dans le jardin, viens quand ma dans le jardin. N'a du chardon de rose, des lits blancs et du jasmin, quand ma digue, digue, digue, quand ma digue, digue, da. Thank you. C'était le moment nostalgie parce que ça a déjà quelques décennies. C'était la formation d'Azibao avec Sophie Cavé. Et à une époque, dans d'Azibao, il y avait également Aurélien Clarambeau, qu'on a bien connu, qu'on connaît bien du côté de la région orléanaise. Voici un dernier titre avant de se retrouver pour quelques idées de sortie. On s'imagine sur une place au soleil où il fait très chaud. Voici la formation Bird on a Wire et ça s'appelle Sur la place. Peut-être le connaissez-vous ce titre ? Car c'est un titre de Brel, repris donc ici par Bird on a Wire. Se chauffer au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Place vibrante, l'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau. La fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse. Elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi c'est. Trop chaud pour ne point entendre son chant. Les hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos corps, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous bouchons les oreilles et nous Hurlant à la mort, pleurent les hommes et leur destinée. well met, my own true love. Well met, cried he. I just returned from the salt, salty sea, and it's all for my love of thee. Now I could marry King's daughter, dear. I'm sure she'd marry me. 19h sur le 96.2, l'heure pour vous de retrouver quelques idées de sortie, quelques bals qui sont à venir. Ce samedi avec un bal à Ormes, bal où on retrouvera la formation Balbaz ainsi que les Petits Buvards. C'est à 20h à la salle Rabelais à Ormes et il y aura une initiation aux danses à partir de 19h. Et on rappelle que ce bal, cette soirée, est au profit d'œuvres caritatives. Donc ce sera donc une association à but caritatif de la région orléanaise. Préférez plutôt les concerts, eh bien vous pouvez aller écouter les Maudits Français. C'est à la salle des fêtes de la Motte Beuvron, toujours pour ce samedi 23 octobre. On commence les vacances scolaires avec un bal et on les termine avec un bal. Dimanche 7 novembre, c'est à Main-sur-Loire qu'on retrouvera le bal à Gaston. Il y a le bal à Gaston de ce mois de février qui avait donc été annulé, qui a été reporté, qui aura donc lieu ce 7 novembre. Le bal à Gaston en dimanche après-midi, bal folk de 15h à 19h à la salle des fêtes de Main-sur-Loire, avec Zurka et Balbaz. Encore un petit peu loin, on aura le temps d'en reparler. Bal folk à Chalette-sur-Loing le samedi 20 novembre et bal folk à Saint-Cyr-en-Val le samedi 27 novembre. En savoir plus sur les bals, sur les sorties, plusieurs possibilités bien entendu sur internet. Allez sur tous les sites de tous les groupes, c'est quelquefois un petit peu contraignant. Il y a le fanzine Folksasach FKCS qui vous propose un agenda qui regroupe un petit peu toutes les idées de sortie de la région orléanaise et de la région centre. Et puis vous pouvez également aller sur l'agenda Trad de l'association Tradzone. sous ma voix pour accompagner ces idées de sortie. C'était le moment un peu plus celtique avec les Church Fitters. Et de la musique celtique, on passe à la musique latino-américaine. Voici Agua Madera qui nous propose le titre Clavelito Colorado. Clavelito Colorado, que de la mata cayó clavelito. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros del hato, el alba toro araguato, el alba toro araguato, viene sin pica ni soga. Mitos ponen en boga sueños de café colado. Echa cuentos al ganado, ñengueré madrugador, y canta el ordeñador, clavelito colorado. Si quieres partida buena, tengo colchón de arena, pero no amargues mi pena con celos del boconón. Ella su suerte siguió y yo seguí con mi suerte. Por eso soy limón fuerte, que de la mata cayó clavelito, clavelito, clavelito, clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. Este es el coro de mi gente, laberintos de los sentidos, los crucigramas de los olvidos, las vidas pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos, para miradas vacías de brillo, camino sin puente ni estribillo, puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso. El coro de mi gente habla de paz, positividad. El coro, el coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. Breve positivo, positivo. Este es el coro de mi gente. Para escaladores de ilusiones, cazadores de emociones, para brújulas sin divisiones, para los aprendices que prueban soluciones, el caminante de melancolía, la bailadora por solerías, el coro pide ritmo y melodía, pura medicina. El coro de mi gente habla de paz, de unidad. Para desaparecidos y buscadores, carcajadas entre palabras con temblores, para los versos desfavorecidos, para patrones tejidos repetidos, para idas sin bienvenida al breve de pa pa pa pa. Este coro pura medicina, el coro pura medicina. El coro de mi gente habla de paz, de unidad, positividad. Vous avez certainement reconnu quelques mots de la positivité. Ça parlait de bons sentiments finalement dans cette chanson. El coro de mi gente d'Amparo Noya. On poursuit avec Amando Risueño. Il a repris dans son dernier album des chansons d'Atahualpa Yupanqui. Voici El Alazán, le cheval alezan. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas. Mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos. Mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te pialo junto tiró al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andaba buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. En una horqueta del tal hay un morral solitario. Hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos, hay cielo para el buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Lazo de niebla te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrar. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Voilà une chanson qui parlait donc de son cheval, extrait de l'album El Canto del Viento, le chant du vent, d'Amando Ruiz Risueño. On poursuit avec Guillaume Lopez. Guillaume Lopez, il est dans le sud de la France, dans la région toulousaine, je crois. En trio, il nous propose le titre Alfonsina y el Mar. Blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. De voz alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y la estás llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, diré que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que yo estoy, que me he ido. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. Proche de la fin de cette émission, je vous propose avec Puerto Candelaria de prendre des sentiers de l'amour. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. des traditionnels sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, comme chaque mercredi de 18h à 19h30. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Dans quelques instants, vous retrouverez les programmes de RDP. En attendant, voici de la lumière de lune, Luz de Luna, un titre proposé par Rocío Márquez. Et voilà, hier soir, il y avait une très très belle lune, presque ronde. Je ne sais pas si on la verra aussi bien ce soir. Mais en tout cas, Luz de Luna, c'est pour vous et c'est pour vous souhaiter une excellente soirée. Sentirte mío y tuya yo como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido que não pode ser